a rien de nouveau sous le soleil. Fondation Crédit Futile à Liébo, les grands boss. Simba, Tony Mikobi. Des doses pour la Kati. Célèbre pour la Kati, Maya Pembe. Gabi Moukendi. C'est plus à vous, nous partons à Koussa. Et tout la Koda. Lix Lissembo. Marula, DJ Malik dans le club. Doudou le boss. Suka suka yo koso maye. Eric Kalume. Tomona esalama pakouye. Tozo bangayote. Honorable Francis Kalombo, Dioyo Octavie. Bato ya mokili, koloba se koloba. Ozala na mbango, okimi ndako he. Osanga mbango, osongi ndako he. Talanga na komi lokola sobanga moko na mokili na kole. Chukaka a chanté. Talanga na komi lokola sobanga pongi na mokili sambo. Manda chante. Dede wa Shiba, ekinkoyi boyoka jusqu'à. Pesanga motema bolingo germe kaminga Fiston tezo Pesanga bolingo yenderete Yassine Beladi Susi nanga ezala kato mokolo bana elongo Wane ko pese sengo nakatia foye Nabiso Fidel Babala Mango na mapango na bavoitire Yango tende zali kunza bolingo Sokyo ningi moninga na makwela papa Yene oko vanda na yetiswa ya molongo Oh oh oh oh Voici la con Alain Carré de Uganda. Rive de l'Ofipo ya Georges Kalula. Atokanisa Zulué Makobo. Maxime Ganjo. Docteur Omanga Okunji. L'autorité Charles Lawège. Vivien VKS. Horizon Massamba. Philo Makiese Diabo Sefiminde. Virgence Mopungu, Papa Nabodrik Mopungu. Inspecteur Steve Imono. Olivier Imono. Les petits 100 ans, Freddy Lemba. GG Luamba, mannequin. Ya Feli Misolina, Freddy Elonga. Le sénateur Ignace Ndebo. Ya Henri Thomas Lokondo. Ya Désiré Bonina. Guillaume Biloulou. Ya Jean-Pierre Kabeya. Dodo Kongolo. Ya Henri Toulouka. Allo Boko Yakunutu ya Pepe Manuaku. J'en nomme monsieur l'ambassadeur. Vira Chimanga. Ya Willy Beya. L'honorable Blanchard Dambele. Jean Bedel Bokassae. Aristide Kassongo. Aimé Amiso.